que je suis née. Éternel, ton regard bienveillant veille sur moi. Tu connais mes projets. Éternel, tu sais que je ne veux plus rien faire sans toi. À chaque instant de ma vie, mon seul désir est d'être approuvé de toi. Guidé par ton Saint-Esprit, que des fleuves d'eau vive jaillissent de moi. De ce qui était hier, et j'avance.